transport routier en toute sécurité. Les autobus Véro, des gens à contacter. Nous offrons le transport de 48 et 56 passagers en plus du transport scolaire. Chez le groupe Véro, votre confort est notre priorité. Téléphonez-nous au 418-769-1573. Toute l'équipe du groupe Véro, située au 1106 Saint-Christophe à Saint-Félicien, souhaite la meilleure des chances au sabre de Roberval et très heureux de commanditer la chronique de l'instructeur-chef. Le transport routier en toute sécurité. Les autobus Véro, des gens à contacter. Nous offrons le transport de 48 et 56 passagers en plus du transport scolaire. Chez le groupe Véro, votre confort est notre priorité. Téléphonez-nous au 418-769-1573. Toute l'équipe du groupe Véro, située au 1106 Saint-Christophe à Saint-Félicien, souhaite la meilleure des chances au sabre de Roberval et très heureux de commanditer la chronique de l'instructeur-chef Jason Lajeunesse. On va parler des sabres de Roberval avec notre ami Jason Lajeunesse. Fiche de 500 fin de semaine pour les sabres. Défaite de 11-3. Par contre, ils ont gagné 3-2 également. Salut Jason! Salut Danny. Jason, oui, fiche de 500 fin de semaine. Donc, d'abord, contre vos rivaux, les Épavines Normandins, ça se passait au centre sportif Benoît-Lévesque, c'est ça, victoire de 3-2? Non, c'était à Saint-Félicien. C'était contre Normandin, c'était à Saint-Félicien, oui. OK. Vendredi soir. On a une belle victoire de 3-2, un bon match de hockey. Il manquait des effectifs des deux côtés, donc ça a donné ce que ça a donné. Ouais. Mais encore une fois, là, on a joué un très bon match. On s'est fait dominer un petit peu dans le troisième vu qu'on avait moins de joueurs que Normandin. Mais notre gardien a fait les arrêts. Puis on l'a bien protégé. On menait 3-1 après deux périodes. On l'a bien protégé en troisième période. Là. Pas donné beaucoup de chances de marquer. Okay. Donc on a sorti de là avec une belle victoire de 3-2 là, contre Normandin. Donc le gardien de but, Jeffrey Petitguet. Petitguet du Chêne a été excellent oui. Dans ce match-là. Et dans le match, on a été que deux buts de Samuel Bérubé et Alec Bernard qui a marqué un but et une passe, deux passes pour Frédéric Simard. Pour les épavés, normalement, je ne dis pas les marqueurs, sauf que là, étant donné que c'est une équipe du secteur, je vais quand même les marquer. Donc, Vincent Beauvais, un but de passe, et David Alexandre et Doré également. Et dans l'autre match, ça a été une dégelée. Oui, disons que c'est le dimanche soir là, du Super Bowl. Personne ne s'est tenté, je pense. Okay. C'est ça. On s'est tout simplement pas présenté. C'est sûr qu'en première période, là, notre gardien nous a pas aidés. Sur les 4 ou 5 premiers lancés, il a donné 3 ou 4 buts. Donc, on tirait déjà de l'arrière. Là, puis il n'y avait même pas 3 minutes de jouer. Puis on tirait déjà de l'arrière 3 ou 4-0. Donc, c'est sûr que c'est difficile là, de revenir là, dans une rencontre comme ça. OK. On a juste pas joué là, le reste du match, puis ça a donné le résultat que ça donne. OK. Parle-moi maintenant des. Certainement que les gars, ça lui tentait pas vraiment. Est-ce que ça avait plus la tête au Super Bowl? Non, les gars étaient là, mais tu sais, c'est sûr que quand tu commences le match, premier lancé rentre, je pense le troisième puis le quatrième rentre, ça. Donc, ça donne une bonne idée de ce qui va se passer là, tout le long du match. L'effort n'y était plus là. Déjà après juste 5 minutes de jeu, l'effort n'y était plus là pour nos joueurs. OK. Et là, parle-moi de ce qui s'est. Parle-moi de maintenant de demain. Vous allez jouer contre les Marquis Jonquière demain? Oui, demain soir. Là, c'est rare un jeu de soir. Oui, ils ont fait une demande cette année là, parce qu'eux autres, ils n'ont pas de vendredi ni de samedi. On s'entend qu'avec ils jouent au Palais des Sports, c'est l'aréna des Marquis Seniors. Ouais. Donc, ils jouent toujours juste le dimanche soir. Ils ont fait de la demande à la Ligue. Puis, on a fait le tour des équipes aussi. Moi, j'ai dit, on a tout allé jouer, je pense, un match le jeudi soir. Juste pour les accommoder, pour qu'ils attirent un petit peu plus de monde aussi. Là, parce qu'on s'entend qu'un dimanche soir à Jonquière, il n'y a pas grand monde dans les estrades. Ben, donc, c'est plus pour les accommoder. J'ai pas eu de backup là, pour ce qui est des. Qu'il y a eu de monde pour les autres matchs qui sont joués le jeudi. Donc, on va voir demain là, comment ça va se dérouler. Là. Mais je pense qu'ils vont peut-être attirer un petit peu plus de monde un jeudi soir qu'un dimanche. OK. Ben, et un autre match également en fin de semaine? Oui, on joue jeudi et vendredi. Vendredi, on joue contre les Aiglons d'Alma à Ottawa. Tous des bons matchs contre les Aiglons également. C'est pas facile. Ouais. Donc, ouais, on joue très bien contre les Aiglons, puis on joue très bien contre Normandin de ce temps-ci. Contre les Marquis puis contre les Saguenayens, c'est un petit peu plus dur, là, je veux dire. Les Marquis, là, ils ont vraiment, là, vraiment la meilleure équipe, là, selon moi, même de la province. Là. Okay. Je suis allé à Shawinigan, puis j'ai vu pas mal d'équipes de l'extérieur, puis Jonquière, sort de là, haut la main, là, avec la meilleure équipe, selon moi. Bon, ben merci beaucoup, puis on s'en reparle très prochainement, jeudi prochain. Parfait. Voici donc l'instructeur-chef des Sabres d'Orbeval, Jason Lejeune.